Les informations France Info. Et l'info à 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Des victimes d'attentats qui lancent un appel aux dons. C'est la première fois que ça arrive. Les personnes blessées à Nice le 14 juillet assurent que les aides publiques ne suffisent pas. Le gouvernement termine avec sa dernière grande réforme fiscale, l'impôt prélevé à la source. Les derniers ajustements, les dernières modalités viennent d'être dévoilées. On vous explique comment ça va se passer. Une rentrée prometteuse pour l'équipe de France de football. Elle a battu l'Italie 3 buts à 1 hier soir en match amical. Les choses sérieuses commencent mardi avec les éliminatoires du prochain mondial. France Info. Et d'abord donc les victimes de l'attentat de Nice qui ont besoin d'aide. Elle lance un appel aux dons. Le message est porté par l'association Promenade des Anges qui regroupe les personnes touchées par l'attaque du 14 juillet. Et cet appel est lancé alors qu'une rencontre est prévue aujourd'hui à Nice avec la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Jérôme Jadot. Pour le secrétaire général de Promenade des Anges, cet appel aux dons vient en complément d'indemnisations qui prennent parfois du temps et qui ne couvriront pas forcément tous les frais, estime Vincent Delomel-Desmarais, restaurateur sur la Promenade des Anglais, psychologiquement toujours très marqué. Certains d'entre nous vont se trouver en facture sociale et il y a encore plus de 200 hospitalisés. On a besoin de pérennité maintenant dans nos vies pour pouvoir se reconstruire. Et s'il y a la souffrance psychique et physique, on rajoute encore des soucis matériels, ça devient très compliqué. Parmi ces soucis qui seront évoqués avec la secrétaire d'État à l'aide aux victimes, la présence encore sur le web de vidéos de l'attentat jugé choquante. Il sera aussi question de l'hommage national qui doit être organisé à Nice, probablement mi-octobre, selon Vincent Delomel-Desmarais. On veut que ce soit un recueillement dans la plus grande dignité et en toute humilité et que nos compatriotes ne réitèrent pas les sifflements qu'il y a eu à la minute de silence, où les membres du gouvernement se sont déplacés sur Nice, sifflement que nous avons pris extrêmement mal pour nous. Ce jour-là, on s'est senti vraiment blessé une nouvelle fois. Pour aider à panser les plaies, l'association souhaite aussi la création d'une commission d'enquête parlementaire en vue d'améliorer les dispositifs de secours et de sécurité. Jérôme Jadot. Bernard Cazeneuve revient à Calais aujourd'hui. C'est sa 7e visite depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Il vient rencontrer les élus locaux. Il va leur dire que la jungle sera bel et bien démantelée. Il faut d'abord créer de nouvelles places d'hébergement pour accueillir les migrants. Il doit y en avoir 8000 de plus d'ici la fin de l'année, un peu partout en France. Bernard Cazeneuve s'exprime dans un entretien au quotidien régional Nord Littoral. Il annonce aussi qu'il va renforcer la présence policière, 200 hommes en plus. Le nombre de migrants qui vivent dans la jungle a fortement augmenté cet été. Ils sont presque 7 000 d'après la préfecture, 10 000 selon les associations humanitaires. Le gouvernement vient de boucler un immense chantier, une grande réforme fiscale. Ouais, la mise en place du prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu, c'est typiquement ce qu'on appelle un serpent de mer. Giscard en parlait déjà il y a 40 ans. Cette fois, la réforme est sur les rails. Les derniers ajustements ont été faits et le projet a été transmis aux parlementaires. Bonjour Isabelle Chailloux. Bonjour. Alors, on savait déjà que 2017 serait une année de transition. Les revenus de 2017 ne seront pas imposés. Mais on ne savait pas exactement comment ça allait se passer. On a maintenant des précisions. Est-ce qu'on peut parler d'une année blanche ? On peut plutôt parler d'une année grise, car vous paierez bien des impôts en 2017 sur les revenus de 2016. Et puis en 2018, là, l'impôt sera prélevé automatiquement, chaque mois, en temps réel. Mais ça veut dire qu'entre les deux, les revenus de 2017, eux, ne seront effectivement pas imposable. Le fisc accordera précisément un crédit d'impôt pour modernisation du système de recouvrement. Mais attention, hein, les salaires, les retraites devront bien continuer à être déclarés. Et là où ça se complique, hein, c'est pour les déductions fiscales auxquelles vous pourriez avoir droit en 2017, par exemple, pour des gardes d'enfants, pour des dons aux associations. Eh bien, ces réductions seront maintenues, mais décalées d'un an. Les contribuables n'en bénéficieront qu'à partir de l'été 2018. Alors, ce prélèvement à la source, hein, qui est censé simplifier le système, n'est finalement pas si simple, ni pour le contribuable, ni pour l'administration fiscale, puisque comme les revenus de 2017 ne seront pas imposables, certains pourraient évidemment être tentés de placer sur cette année-là un maximum de gains. Oui. Pour éviter toute tentation d'optimisation fiscale, hein, Bercy prévient que ses services seront très vigilants pour éviter les abus. Et puis surtout, le fisc pourra demander des justifications aux contribuables, même en dehors de tout contrôle fiscal. Isabelle Chailloux, et cette réforme devrait être présentée à la fin du mois en Conseil des ministres. Philips réduit considérablement sa présence en France. La société va fermer son usine de Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher et diminuer les effectifs de son autre site de production à Miribel dans l'Ain. Il s'agit là de la branche éclairage du groupe. Au total, 230 emplois sont supprimés. France Info, il est 8h presque 5. Une énorme boule de feu dans le ciel de Cap Canaveral. Une fusée a explosé sur son pas de tir hier. Une fusée de la compagnie privée SpaceX. L'accident a eu lieu lors d'un test au moment du remplissage du réservoir. L'appareil devait décoller dans 2 jours. Et les conséquences économiques sont colossales pour SpaceX, mais aussi pour Facebook. Frédéric Carbone. Voilà un accident qui, en quelques secondes, vient freiner les projets pharaoniques des deux patrons les plus ambitieux de la Silicon Valley. D'abord, bien sûr, Elon Musk, le fondateur de SpaceX, l'homme qui veut révolutionner tous les transports, la voiture avec l'électrique, le train avec le solaire et l'espace avec ce lanceur low cost parce que récupérable. Il coûte ainsi 30% moins cher d'envoyer des satellites grâce à ses fusées. L'accident de Falcon 9, le deuxième en un peu plus d'un an, ne remet pas en cause tout le programme, mais il le retarde et la perte financière est élevée autour de 500 millions de dollars. Quant à la victime collatérale, c'est Mark Zuckerberg, parce que dans la fusée, il y avait un satellite financé par Facebook et destiné à fournir un accès à l'Internet haut débit à des centaines de millions d'Africains. Ce satellite a aussi été détruit dans l'explosion. Zuckerberg se dit profondément déçu et prêt à utiliser une autre technologie. Elon Musk, lui, ne lâchera jamais SpaceX. La vie sur Terre ne lui suffit pas. Il s'est lancé dans le spatial en prédisant la colonisation de Mars. Washington, Frédéric Carbone, France Info. Toujours des barricades en feu dans les rues de Libreville. Les forces de l'ordre patrouillent dans les rues de la capitale gabonaise. La situation est explosive depuis la réélection contestée du président Ali Bongo. Les violences ont fait 3 morts d'après le gouvernement et 1 millier d'interpellations. 1 million de personnes dans les rues de Caracas hier soir pour réclamer le départ du président Nicolas Maduro. Le Venezuela s'enfonce dans la crise. Le pays est en récession à cause de l'effondrement des prix du pétrole. C'est quasiment l'unique source de revenus. C'est donc catastrophique quand les cours baissent. Les habitants sont confrontés à une pénurie de nourriture et de médicaments. Un rationnement a été mis en place et les coupures d'électricité sont quotidiennes. L'état d'urgence décrété dans une partie de la Floride, dans les régions qui se trouvent sur la trajectoire de l'ouragan Hermine. Il s'approche et il continue de se renforcer. Les autorités redoutent des inondations potentiellement meurtrières. Et les Bleus débutent leur saison par une victoire. 3-1 contre l'Italie hier soir en match amical, but de Martial, Giroud et Kurzawa. Une victoire qui fait du bien au moral avant d'affronter la Biélorussie mardi prochain. Et là, ça ne comptera pas pour du beurre, ce sera le début des qualifications pour le Mondial 2018. Le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps. On peut toujours faire mieux, mais c'est satisfaisant de marquer 3 buts à une équipe d'Italie qui encaisse peu de buts, même si c'est un match de reprise. Je ne veux pas enlever le mérite à mes joueurs. Dans 5 jours, ça sera mardi, un autre match face à une équipe différente aussi, mais reprendre par une victoire en Italie, évidemment pour la confiance, c'est quelque chose d'important pour le groupe. Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football. À l'US Open de tennis, seuls deux Français ont réussi à s'en sortir cette nuit. Nicolas Mahut et Caroline Garcia se sont qualifiés pour le troisième tour. C'est terminé pour Gilles Simon, Jérémy Chardy, Paul-Henri Mathieu et Kristina Mladenovic. Du côté des prétendants au titre, pas de problème. Andy Murray et Serena Williams n'ont pas traîné sur le court. Andy Murray qui d'ailleurs n'est pas vraiment fan du nouveau toit qui recouvre le central. Il a été utilisé pour la première fois hier. Alors c'est pratique parce que ça permet de jouer même quand il pleut. Mais il y a un problème, d'après Andy Murray, c'est que la pluie fait beaucoup de bruit quand elle tombe sur le toit. Ça fait aussi caisse de résonance avec le brouhaha du public et le joueur écossais a du mal à entendre la balle. En même temps, et il râle beaucoup, c'est une de ses marques de fabrique. Voilà. Deauville déroule le tapis rouge au cinéma américain. Son célèbre festival débute ce soir. C'est la 42e édition avec la présence de Harry Potter, Daniel Radcliffe, de Diane Kruger, de James Franco et de Michael Moore. 14 films sont en compétition. Le jury est présidé par l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Et pour l'anecdote, sachez que le tapis rouge de Deauville est plus grand que celui de Cannes. Il fait 80 mètres de long sur 12 mètres de large. Voilà, merci d'avoir cherché cette information importante. Mathilde Munoz sur France Info. Bonjour à tous, vous écoutez Réunion Première, il est 10h09. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. C'est un temps qui est clément sur une large moitié ouest et sur les plages du sud. En revanche, le ciel est toujours gris, chargé sur la façade est, en clair de Saint-Denis à Saint-Joseph, en passant par le Takamaka. Les hauts de Saint-Paul et de Saint-Leu sont aussi concernés. Et pour cet après-midi, c'est presque un copier-coller de la matinée. Et puis alors un mot tout de même sur la météo de demain, samedi. C'est du beau temps dans l'ouest et du gris dans l'est. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Sur l'hippodrome de Vincennes, dans la deuxième pour le prix Lampetia, pour un montant de 4 550 000 euros. C'est le montant de la tirelire. Les pronostics de Tonton Maillot, le 14, le 8, 16, 5, 15, 12, 13, 17 et en embartant l'As. Je vous les redonne, les pronostics de Pascal Maillot, le 14, le 8, le 16, 5, 15, 12, 13, 17 et non partant l'As. Un mot du quintet d'hier dans la quatrième, pour le prix Handicap des Flyers. Il fallait trouver le 14, l'As, le 3, le 13 et le 5. 14, As, 3, 13 et le 5. C'est votre émission de service Les Experts jusqu'à midi et on s'intéresse ce matin à votre contrat d'assurance. Le contrat d'assurance pour votre auto, votre moto. Merci de réagir au standard 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Quel contrat choisir pour son véhicule? Quelle est la différence entre tel ou tel contrat? Qu'en est-il des tarifs appliqués entre une compagnie et une autre? Assurer le second conducteur est-il obligatoire? Un accrochage dans un rond-point? Comment se fait le constat? Qui est fautif? Est-ce vrai que cette histoire, c'est du 50-50? Pour un jeune conducteur, les prix sont élevés. Est-ce que c'est normal? Et puis, qu'en est-il de l'assurance moto? Tous les équipements du motard doivent-ils être assurés? Et puis, on dira aussi un petit mot sur le contrat au kilomètre, si c'est intéressant ou pas. On en parlera avec les experts. C'est à vous, la parole sur la première. Donne sa famille manger, sa maman compte en bouillon, sa papa compte en tout fait. Oh l'homme la mange tout fait vrai, bonne femme la mange bouillon vrai. Bret mouroum, bâton mouroum, Valéré compte en manger. Bret mouroum, bâton mouroum, Valéré gagne l'appétit. Bret mouroum, bâton mouroum, Valéré compte en manger. Bret mouroum, bâton mouroum, Valéré gagne l'appétit. Et l'année finit passée, mon jeune même petit misère. Y'a assisé, y'a fait pleurer, maudit man li qui l'y gagné. Un cyclone fin fait passer, fin casse tout ban bret mouroum, fin quitte tout ban bret sauvage, la cause à qui m'a fait pleurer. Bret mouroum, bâton mouroum, maléré content manger. Bret mouroum, bâton mouroum, maléré gain l'appétit. Bret mouroum, bâton mouroum, maléré content manger. Bret mouroum, bâton mouroum, maléré gain l'appétit. Mon sorti débarcadère, mon jeune en petit misère. Pérot bret bâton mouroum, vous donne sa famille manger. Sa maman compte en bouillon, sa papa compte en tout fait. Bon homme la mange tout fait vrai, bonne femme la mange bouillon vrai. Bred mourum, matom mourum, malere content manger. Bred mourum, matom mourum, malere gain l'appétit. Bred mourum, matom mourum, malere content manger. Bred mourum, matom mourum, malere gain l'appétit. L'année fini passé, mon jeune même petit misère. Et assisé, y a fait pleurer, maudit man li qui l'y gagnait. Un cyclone fin fait passer, fin casse tout ban bret mouroum. Fin quitte tout ban bret sauvage, la cause à qui m'a fait pleurer. Bret mouroum, bâton mouroum, malheuré content manger. Bret mouroum, bâton mouroum, malheuré gain l'appétit. Bret mouroum, bâton mouroum, malheuré content manger. Bret mouroum, bâton mouroum, malheuré gain l'appétit. Malheuré gain l'appétit. Est-ce qu'on peut changer de compagnie d'assurance en cours d'année? Vous l'avez compris, surtout, c'est jusqu'à 11h30 cette émission de Service Les Experts, spéciale assurance auto-moto. Vos questions, vos réactions, 02 62 99 2000. C'est dans l'actu avec Philippe Dorny. Et votre syndicat ne bouge pas maintenant. Et vous êtes majoritaire. On est habitué à ces grandes déclarations. Le problème, c'est que nous n'avons pas de l'argent. Mais notre argent est dans la poche d'État. On veut savoir ce qu'on veut à la Réunion. On veut une belle route. On veut ceci, on veut cela. C'est dans l'actu avec Philippe Dorny, du lundi au jeudi, dès 12h15, sur Réunion Première. Accueillons nos experts en assurance. Isabelle Pont-Gérard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour répondre aux questions des auditeurs. Vous n'êtes pas seul. James Huette aussi est présent. Bonjour James Huette. Bonjour Claude. Merci d'être là. Alors, petite question, mais alors qui est très importante aussi. L'assurance, l'assurance auto, l'assurance moto, l'assurance tout court est obligatoire. Isabelle Pont-Gérard. L'assurance auto est obligatoire puisque tous les véhicules terrestres à moteur doivent être assurés. Pour les dégâts, surtout, que l'on peut causer aux tiers, en responsabilité civile, défense-recours. Alors, il semblerait, James Huette, qu'il y a aussi des automobilistes qui circulent sur les routes de La Réunion sans contrat d'assurance. Alors, c'est un défaut d'assurance qui est sanctionné. Un défaut d'assurance. Qui est sanctionné pénalement. Et comme disait Isabelle tout à l'heure, c'est que non seulement il y a sanction pénale derrière, mais aussi c'est une prise de risque inconsidérée, c'est-à-dire la mise en jeu de la vie d'autrui dans le cas d'un accident, se retrouver à payer les conséquences de cet accident matériel et parfois corporel. Donc, c'est s'endetter à vie et endetter sa famille pour tout au long de leur vie. Les auditeurs ont la parole, c'est Nathalie qui est avec nous. Nathalie Duport, 02 62 99 2000. Bonjour Nathalie. Bonjour à vous messieurs sur le plateau, madame. Merci d'être avec nous Nathalie. Alors vous avez une question parce que je suis un peu dans la barre. Ma fille, elle a fait un accident avec l'auto-école. C'est-à-dire qu'il y a une voiture qui est rentrée avec eux dans un rond-point. Et l'automobiliste a pas fait il avait pas d'assurance. Moi j'ai demandé une photocopie du constat. Oui. Et sur le constat, c'est écrit qu'il a mis son assurance après l'accident. Il a mis son assurance après l'accident. Par exemple, l'accident s'est produit le 26 août 2016. D'accord. Et il a mis son assurance le 31 août 2016. Nathalie, on va écouter nos experts. Alors surtout, on ne va pas citer de nom, de compagnie d'assurance, s'il vous plaît, par respect. Alors surtout que votre fille était en train de prendre un cours d'auto-école, c'est ça? Oui, voilà, d'auto-école. Elle était sur la conduite. Voilà, il y a eu un accident. Voilà. Très bien. Et donc, le constat a été fait, le moniteur était à côté. Oui, mais ça s'est pas fait sur le coup. C'est ça que je ne comprends pas. Le constat n'a pas été fait le jour. Le constat n'a pas été fait le jour. Très bien. Non. D'accord. Parce que le monsieur n'avait pas d'assurance. Le monsieur n'avait pas d'assurance. Et alors, je ne comprends pas pourquoi le moniteur n'a rien fait ce jour-là. Non, très bien. James Huette, Isabelle Pont-Gérard, qui sont nos experts en assurance, vous ont écouté. Alors, vos réponses, s'il vous plaît. Donc bonjour madame. Donc il s'avère qu'au moment de l'accident, le tiers qui a percuté le véhicule d'auto-école n'était nullement assuré, et donc un constat amiable a été réalisé le lendemain ou quelques jours après. Voilà. Alors pour votre fille, donc elle n'est pas responsable, donc elle était au volant en tant qu'élève, donc elle devrait, si elle a des conséquences, des dommages corporels, elle devrait être indemnisée par l'assureur du véhicule auto-école. Alors je ne sais pas si elle était blessée dans l'accident. Oui, été blessée. Elle a eu une entorse cervicale. Eh ben oui, donc elle a eu le en plus. Oui. Non, okay. Non, donc elle remet à l'assureur, donc par le biais de l'auto-école, donc son constat, enfin son constat, le certificat médical, et de là, elle sera. Elle sera prise en charge sur le plan corporel pour les dommages. Ça a été fait. Après, sur le reste, il y a un défaut d'assurance. On en parlait avec M. Montané tout à l'heure. C'est vrai qu'à La Réunion, nous avons ce fléau, c'est-à-dire une population importante, près de 10% d'automobilistes qui circulent sans assurance. Et c'est, voilà, vous notez notre problème, c'est-à-dire les conséquences, la mise en jeu de la vie d'autrui et le fait de ne pas être en mesure d'indemniser les victimes en cas d'accident. Isabelle Pont-Gérard, donc jusqu'à maintenant, elle a fait le nécessaire, puisqu'elle est inquiète pour sa fille, il y a eu blessure, apparemment le coup du lapin, etc. Donc il faudra qu'elle, selon vous, elle patiente encore un petit peu pour savoir si... Il faut patienter, puisqu'il faut attendre que la... Oui, ça va déboucher sur quelque chose. Il faut attendre que la compagnie qui assure l'auto-école fasse les démarches auprès du fonds de garantie, si le tiers d'accord. n'était pas assuré, ou si le tiers a souscrit son contrat à une date ultérieure à la date d'effet du sinistre. Donc il faudra patienter pour l'instruction du dossier. Et effectivement, quand il y a un défaut d'assurance, la durée de gestion du sinistre est plus longue. Alors quel est le délai? Ça peut prendre beaucoup de temps, James Huet? Le délai, donc comme Isabelle l'a précisé, le fonds de garantie était en mesure d'intervenir. Donc c'est généralement un délai de 6 mois. Donc 6 mois. Encore faut-il que la compagnie ait usé de tous les moyens en sa possession pour faire une réclamation. Donc il faut qu'elle démontre à l'assureur que tout a été mis en œuvre pour cette réclamation, pour la saisine du fonds de garantie automobile. Donc en tout cas pour votre fille, madame, ce que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il en soit, elle devra être prise en charge et être indemnisée pour ses dommages corporels subis. Et ça, les certificats, là, je donne à l'auto-école, c'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà, vous remettez à l'auto-école qui, lui, en tant qu'assuré, fera sa déclaration auprès de son assureur. D'accord. Et si par la suite, il y a des séquelles? Ça fera l'objet d'une indemnisation, madame. C'est-à-dire qu'on pourra avoir l'avis d'un expert médical et qui donnera une estimation, une évaluation du préjudice corporel. D'accord. Nathalie, vous faites ce qu'on vient de vous dire de faire, surtout, c'est important. Et puis, on vous rappellera dans quelques temps pour savoir si votre dossier a pu déboucher sur quelque chose. Et puis, on se tient au courant, surtout. C'est important. D'accord? D'accord. Je vous remercie. Mais de rien. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait à peu près tout le nécessaire. Maintenant, j'attends. Vous attendez. Vous patientez, mais n'attendez pas trop longtemps non plus. D'accord. Combien de temps à peu près? Vous pouvez revenir vers l'auto-école pour lui demander où ça en est concernant la gestion de son dossier, mais vous-même, à titre personnel, interpellez la compagnie à votre nom, vous ne le pourrez pas. Il faut passer absolument par l'auto-école. Mais vous pouvez demander les renseignements, oui. D'accord. Alors, je vous remercie alors, monsieur. On a votre numéro de téléphone, on vous rappellera dans quelques semaines. Merci, au revoir. Bonne journée à vous alors. Hein. Merci. Au revoir. Isabelle Pont-Gérard, James Huet, les experts en assurance sont à votre écoute au standard de la première. Parlez-nous du contrat d'assurance que vous avez à la maison. On parlera aussi du jeune conducteur. Est-ce que c'est normal que parfois les prix sont élevés, très élevés surtout? Et puis l'assurance moto, est-ce que tous les équipements du motard doivent être assurés? On dira un mot sur le contrat au kilomètre, si c'est intéressant ou pas. 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. Life would suck without you. Uh-oh-oh. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're immortal, but I love you. And you made me so mad, I ask myself why I'm still here. Oh, where could I go? You're the only love I've ever known. But I hate you, I really hate you. So much, I think it must be true love. True love. Just one. Comment choisir son contrat d'assurance? Les tarifs peuvent-ils varier d'une compagnie d'assurance à l'autre? Quelles sont les différentes options proposées? Et puis, qu'en est-il pour un jeune conducteur? Et l'intérêt ou pas de prendre une franchise? Jusqu'à 11h30, les experts en assurance sont sur la première. Isabelle Pont-Gérard, James Huet, nos experts en assurance. Alors, s'il vous plaît, une question très importante et très simple. Comment savoir que ce contrat d'assurance, il est bien pour ma voiture, pour moi? Isabelle Pont-Gérard. Dans l'absolu, tous les contrats d'assurance sont bien. Après, tous les contrats d'assurance sont bien? Sont bien. Toutes les compagnies offrent des contrats d'assurance qui sont bien. L'essentiel, c'est d'avoir un contrat d'assurance qui correspond à ses besoins. Mais alors, comment le savoir, ça? C'est pour ça que quand on est avec son conseiller, il nous pose des questions pour savoir si on a des enfants, quel est le type de voiture, quelle est notre profession, quel est l'usage qu'on fera du véhicule, quelles sont les garanties. On pose toutes ces questions? Bien sûr, la souscription d'un contrat, c'est obligatoire. On pose toutes ces questions, je suis un peu étonné. Oui, pour pouvoir assurer le client comme il faut, oui. James Huet. On a raison, Isabelle. On nous repose sur cette obligation de conseil et d'information. Vous avez un rôle de conseiller, bien sûr. C'est une obligation, d'ailleurs, qui peut être sanctionnée. C'est-à-dire que nous devons y conseiller. Mais de là que cela se fasse systématiquement, j'ai un petit peu de doute. Le bon assureur, c'est cela. C'est celui qui doit éclairer son assuré, l'aider également à choisir les garanties et donc trouver ensemble la bonne solution pour son cas personnel. Oui. Donc c'est bien. C'est bien le cas, c'est répondre à ses besoins, ses attentes. Je confirme. Alors vous confirmez aussi lorsque Isabelle Pont-Gérard parle, on fait une petite fiche en fait, combien d'enfants vous avez, où c'est que vous habitez, quel est votre trajet, etc. Non, on fait pas de fiche. Non, c'est là nous c'est dans la conversation. Petite fiche de l'assureur à l'assuré, bien sûr. Rien n'est enregistré. Nous sommes bien d'accord, James Huet. Il faut arriver. Ne tuez pas sur les mots, s'il vous plaît. Il faut connaître les besoins du client ou du prospect. Donc c'est important. Et l'échange, aussi il y a cette complicité qu'on a avec son assureur. C'est-à-dire qu'on arrive, on va le voir, donc on crée un climat de confiance et de là, on peut arriver à comprendre et répondre aux attentes de notre client. Dites-nous si tout se passe bien avec votre compagnie d'assurance. Il y a Philippe qui est avec nous. Philippe de Petite-Île. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Votre question s'il vous plaît. Oui, voilà, on a deux petites questions, hein. Bien sûr. Oui, voilà. Je voudrais savoir si... Est-ce qu'un assurance n'a le droit de résilier le contrat d'une personne sans préavis? Alors qu'il y a nous, quand nous veut résilier un contrat, il nous prévient 2 mois d'avance. La résiliation du contrat, la compagnie d'assurance a le droit de résilier un contrat comme ça du jour au lendemain? Compagnie d'assurance peut résilier un contrat 2 mois avant l'échéance. 2 mois avant l'échéance. En informant le client par courrier en accusé réception. Ah bon, non, parce que bon, moi, je suis dans une bonne assurance, bien sûr, par rapport que j'ai couvert bien les sinistres et tout. Mais faute, une fois que j'avais envoyé un papier pour moi, pour nous voir si les conditions étaient bonnes, si tu acceptais toujours les mêmes conditions, et bon, moi, midi, une fois que m'y répond pas le papier, bah, c'est sûr que m'y accepte les conditions. Et ben, elle a annulé mon contrat d'assurance, parce qu'elle m'a pas répondu à ce papier-là. Tout à fait. Parce que vous n'avez pas répondu au courrier qui avait été envoyé, c'est ça? Comment? On vous a envoyé un courrier, c'est ça? Voilà. Et vous n'avez pas répondu? Non, vous n'avez pas répondu le courrier, mais il me dit normalement, je n'ai pu prévenir moi que j'ai refusé plus mon contrat, mais du jour au lendemain, elle a pu prévenir moi à cette assurance-là. Et pas tant mes vidéos. Moi, n'a rien à dire de ça, hein. Moi, je m'en ai assuré une autre place maintenant, moi. Vous êtes parti du coup, oui. Il me posait ma question, est-ce que je n'avais le droit de faire ça? Parce que déjà, l'assureur, l'assurance, lui, il demande à la personne de 2 mois de préavis. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de faire ça, d'assurer bien? Mais il dit que je n'ai pas le droit non plus. Philippe, attendez, James Huette vous répond aussi. Voilà, j'imagine, monsieur, que c'est consécutif à un accident, non? Un sinistre? Ah non, non, non, pas du tout. Ouais. Du tout. Voilà, donc, dans la lettre que vous avez dû recevoir, monsieur, vu qu'ils ont modifié les conditions de garantie, il fallait absolument obtenir votre accord. Donc, il était nécessaire que vous puissiez répondre à la lettre de l'assureur en disant « Oui, j'accepte les nouvelles conditions. » Et donc, le silence équivaut à renonciation. Donc, le fait que vous n'ayez pas répondu à la lettre, le contrat, effectivement, est arrivé à son terme et résilié. Ah ouais. Philippe, ce courrier est arrivé chez vous et parfois on laisse le courrier comme ça dans un coin, on ne fait pas attention et puis en fait c'est une lettre importante, c'est un courrier important et puis après voilà du coup la compagnie vous a envoyé le courrier voilà. C'est... Bah, mais moi mes vidéos m'a plus de soucis, moi j'ai fini sortir devant. Oui, du coup vous êtes. Là, notre place, hein. Mais bon, après ma deuxième question, merci d'avoir répondu à ça parce que au moins là c'est un petit peu médité quoi. Hein. D'accord. Et la seconde alors? Et la deuxième question, c'est que voilà, madame mon garçon aussi, lui il est d'une nana en assurance, que d'une nana en assurance vie, parce qu'il fallait lui mettre ça pour une moto, hein, il faut y assurer une moto. Pour une moto. On a lui en assurance vie, mais lui sans connaître que nous payons déjà un assurance vie pour lui. Oui. Lui là, sur lui, bien sûr, il a mis son assurance vie dessus, lui, en assurant la moto, hein. Oui, oui. Et comment dire ça? Comme que nous, après, nous, on a dit lui, nous, entre temps, on a parlé entre nous, on a dit, non, pourquoi vous deux assurances vie? Parce que nous, on a nous cotisons déjà parce un que vous a... À une autre place. Oui. Et nous veut annuler l'assurance vie que lui a pris là. Oui. Puis l'année dernière, lui là, quand il voit son assureur, lui a dit bon, annule ça. Il a dit oui, et là, il vient de sortir le papier pour lui payer. Mais voilà, lui dit est-ce que c'est normal? Lui dit peut-être bien qu'ils sont le travailleur, la fin de son boulot qu'il fallait. Résilier un contrat parce qu'il en a deux, notamment il parle de l'assurance vie. Vous restez avec nous, Philippe, s'il vous plaît. Ouais. Hein, vous ne partez pas, hein? D'accord. On va essayer de cogiter tout ça pendant Francis Cabrel. On va essayer de trouver les bonnes réponses à votre question qui est très importante aussi. 02 62 99 2000 pour réagir aussi sur le contrat d'assurance, votre contrat d'assurance, lequel choisir pour sa voiture ou sa moto, la différence entre tel ou tel contrat. On peut revenir sur les tarifs appliqués entre une compagnie et une autre, puisque les tarifs sont libres, c'est ça. Faites jouer aussi la concurrence. Ne vous arrêtez pas sur une seule compagnie d'assurance. Il y en a plusieurs, donc il y a peut-être même en face du trottoir une autre compagnie d'assurance. Allez la voir, cette compagnie, et puis faites la différence. Et puis assurez le second conducteur. Est-ce que c'est obligatoire? On en parle juste après Francis Cabrel. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? que ce monde est sérieux. Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux ? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates ? Avec leur costume de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux ? Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataré los otros. Otras vidas y otros toros. Y mataremos otros. Venga, venga, baila y mataré nosotros. Le, le, le, le. Experts en assurance sur Réunion Première, Isabelle Pongéra et James Huette. Nous irons retrouver tout à l'heure Stéphane de Saint-Denis et Jean-Denis également de Saint-Denis. Philippe, on vous a écouté tout à l'heure, juste avant Francis Cabrel. James Huette, vous avez une réponse pour notre auditeur, et puisque ça concerne son fils, hein, cette histoire de d'assurance vie pour un contrat d'assurance moto. Alors déjà, c'est une obligation ou pas ? Ce n'est pas une obligation d'avoir une assurance vie, je confirme Philippe. Alors, après, c'est de savoir si votre fils a bien souscrit une assurance vie ou une garantie conducteur qui vient compléter l'offre de roues que vous avez souscrit. Donc c'est important de bien comprendre. Et puis l'autre question, l'autre réponse en tout cas à obtenir, c'est la date de reconduction de cette assurance vie que vous pourriez ainsi dénoncer. Donc il faut à ce moment-là faire la lettre de dénonciation un mois avant la date de reconduction. Donc alors là aussi, je vous écoutais avec attention tout à l'heure, je pense que tout dépend de la discussion qu'a eu votre fils avec le conseiller. Donc le conseiller peut-être, levant l'assureur, lui a suggéré conseille vivement de compléter l'offre de roues par une prestation d'indemnisation temporelle. Donc, là, je ne vais pas blâmer l'assureur, qui peut-être a fait son rôle de conseiller, mais là-dessus, s'il souhaite dénoncer le contrat, il peut. Il peut en respectant le préavis d'un mois. Philippe ? Ah bon. Oui, j'ai compris. Et comment dire ça ? Ben oui, mais quand il n'y a pas qui dire qu'on laisse son assurance vie, et même qu'il n'y avait plus de moto, il avait pris une voiture pour remplacer, là. Hein. Oui, oui. Ben c'est que le conseiller l'a pas pris en compte ses paroles, je veux bien. Non, mais en assureur, les paroles ne tiennent pas. Il faut un écrit. Votre fils doit. Oui, non, c'est une ligne qu'on demande. Dans sa lettre, il dira mes références de contrat sont en, je demande la résiliation de cette garantie à la prochaine échéance. Je date, je signe, il remet à l'assureur. Mmh. Ah oui, simplement. Toujours une trace écrite, toujours un courrier. Vous confirmez, Isabelle Pongérard ? Oui, une résiliation de contrat d'assurance ne se fait pas verbalement. Il faut absolument le faire par écrit. Il y a des engagements. Voilà. Si la personne a un sinistre, il y a de gros engagements au niveau du corporel et autres. Donc, effectivement, il faut un écrit. D'accord, Philippe ? Ouais. Bah, okay, tout ça, non mais alors c'est important, tout ça par écrit. Écoutez bien nos experts. Et surtout, de la part du souscripteur du contrat, pas de quelqu'un aussi. D'autre. C'est important. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est de toute façon, c'est la personne qui souscrit au contrat qu'il faut lui faire la dette. Hein. Voilà. Donc, vous allez faire tout ça et puis on vous souhaite bon courage pour la suite, d'accord ? Allez, merci, au revoir. Merci au revoir. À vous. À très bientôt. Alors, nous avons Jean-Denis. Bonjour, Jean-Denis. Oui, bonjour. Bonjour. C'est pour parler de votre assurance tout risque. Oui, voilà. L'année dernière, j'avais un problème sur ma voiture. Je me suis garé. J'ai eu un coup dans la porte, j'ai été voir mon assurance et l'assurance a fait réparer ma voiture, la porte. Cette année, pareil, j'ai eu un problème en arrivant en parking, j'ai mon capot qui était enfoncé. J'ai été voir le conseiller, il m'a fait exactement pareil que la dernière fois, mais par contre, il m'a fait signer un papier. Oui. Et après, il a écrit en paragraphe que j'ai fait par fausse manœuvre. Donc, j'ai été mal usé cette fois-ci à 27%. Non, après deux chocs dans la porte, c'est ça ? Non, la première c'est dans la porte et la deuxième c'est sur le capot. Sur le capot, voilà. Il y a un mec sûrement qui a dû. Mais vous n'étiez pas responsable, hein ? Voilà, j'étais pas responsable. Non, en plus, avec un contrat tout risque. Oui. Non, Isabelle Pongérard, pour répondre à Jean-Denis. Alors Jean-Denis, pour la première fois, effectivement, un choc contre la portière, il n'y a pas de responsabilité. Par contre, pour le deuxième sinistre, il semblerait que dans votre déclaration, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, il y a eu à l'origine une fausse manœuvre ou quelque chose. Non, justement, il n'y avait pas de fausse manœuvre. J'ai bien expliqué au conseiller que quand, en arrivant, en prenant ma voiture, j'ai vu qu'il y avait un enfoncement sur le capot. Oui, non. Mais lui, quand j'ai signé le papier, il a paragraphé ça sur le papier pour envoyer à l'assurance. Mais vous n'avez jamais dit ça à votre conseiller ? Non, j'ai jamais dit du ça. Du tout, très bien. Parce que je lui ai dit au téléphone, mais là, il me dit non, il a fait ça pour m'arranger. Non, oui. Le problème, c'est que là, je suis mal usé. Vous croyez que c'est comme si moi je vais amener ma tête à l'abattoir pour avoir du malus ? Non, normalement. Vous faites de l'humour, Jean-Denis. Vous faites de l'humour dans les experts, c'est pas mal. Isabelle Pongérard, alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, monsieur, lorsqu'il a fait sa déclaration, il a dû compléter ou un constat, ou faire une déclaration circonstanciée. Et je pense qu'il a dû relater les faits, donc expliquer comment s'est passé son accident. Et à ce moment-là, il a dû signer. Puisqu'il était le seul présent sur le lieu de l'accident. Ce n'est ni à son conseiller, ni à qui que ce soit d'intervenir dans sa déclaration. S'il a fait une déclaration circonstanciée, s'il a signé son constat, c'est qu'il est d'accord avec ce qu'il a déclaré. C'est qu'il est d'accord. Oui, mais le problème, c'est que moi, j'ai signé une feuille blanche avec ce qui est marqué comme les références du véhicule. Oui. Et après, c'est le conseiller même qui a paragraphé par une fausse manœuvre que j'ai... dégrader mon capot et il y a un petit trou dedans. James Hubert. Oui, déjà, on ne fait pas de déclaration en blanc, monsieur, donc vous aurez dû être vigilant. Voilà, donc... moi, quand je suis parti, moi, j'ai signé juste le papier. Oui, c'est oui. Ce qu'il a fait après, moi, je ne sais pas. Ça, on a bien compris. J'ai bien ça. Compris. Donc, conseil, ne pas le faire les fois d'avant. Et souvent, ce qu'on conseille aux assurés, quand nous avons ce cas de figure, d'autant plus que c'est deux sinistres, hein, deux accidents, enfin, en stationnement qui vous est arrivé, c'est compléter votre déclaration par un dépôt de plainte. Donc, faites auprès de la police ou de la gendarmerie qui dit que mon véhicule en stationnement, je l'ai retrouvé le lendemain avec la portière enfoncée. Ça donne plus de force à votre dossier. C'est, je conseille souvent aux assurés de le faire ainsi. Et là, dans votre cas, bah, écoutez, pour la compagnie qui gère votre dossier accident, c'est vous qui avez fait une déclaration, vous avez signé, comme quoi, dans telle circonstance, j'ai fait une manœuvre. On a bien compris, Jean-Denis, mais on vous explique. Et je vous demanderai, monsieur, de vous rapprocher de la compagnie d'assurance. Vous avez certainement, au sein de cette compagnie ou de cette agence, un responsable, demander d'avoir des explications et demander également d'avoir une copie de la déclaration que vous avez signée et essayer de traiter ce dossier auprès de la compagnie d'assurance. Ben, c'est ce que j'ai fait. Il m'a donné la copie. Il y a bien ma signature, mais c'est pas moi qui ai écrit par 69. Voilà. Après, il y a des cas également, monsieur Jean-Denis, c'est que l'assuré déclare c'est un accident stationnement. Oui. Et nous demandons l'avis d'un expert, et c'est l'expert qui va corroborer vos dires. C'est lui qui dira si c'est réellement un choc en stationnement ou c'est un choc contre un corps fixe. On voit souvent sur les rapports d'expertise. Voilà. Voilà. Ben, c'est là maintenant, quand je vois le conseiller, il me dit maintenant, il faut faire une lettre de réclamation. Après, j'ai beau expliquer, je dis, j'ai une assurance pour elle. L'année dernière, j'ai fait réparer ma voiture, j'ai pas été malusé. Pourquoi là, je vais venir vous voir pour réparer Bien sûr, mais alors attendez, Isabelle Pongérard lève le doigt, c'est qu'elle a envie de dire quelque chose. Allez-y. Alors effectivement, votre conseiller vous a très bien conseillé. Quand on est client dans une compagnie, si on estime avoir été lésé ou mal compris, on peut s'adresser au service réclamation de cette compagnie et exposer comment on a vu. Et la personne chargée des réclamations se mettra en relation avec les différentes personnes, donc le gestionnaire, l'expert, et trouvera une solution où vous aurez une solution amiable, où la position technique sera peut-être consolidée, puisque peut-être effectivement que l'expert a dit que vous avez eu un choc contre un corps fixe en manipulant votre véhicule, donc c'est un accident responsable, puisqu'il y a un défaut de maîtrise de son véhicule. Mais vous pouvez, à titre commercial, si vous avez plusieurs contrats ou avoir une possibilité de discuter. Tout bien dépend sûr. Également de votre bonus, etc. D'accord, Jean-Denis ? Oui, d'accord. D'accord. Mais on vous rappellera dans quelques semaines, parce que j'ai envie de savoir si votre dossier a avancé. Et surtout, c'est ça le plus important. Mon échéance, c'est pour le 30 septembre. Donc, j'aurai le temps. Bien sûr. L'échéance, c'est pour le 30 septembre. Le but n'est pas forcément de quitter votre compagnie, monsieur. L'essentiel, c'est de discuter avec... aller voir votre conseiller, celui qui a souscrit votre contrat, celui qui a voulu vous aider lors de votre déclaration de sinistre, et demandez-lui les coordonnées du service réclamation de la personne en charge du service réclamation de votre compagnie. Et vous pourrez trouver une solution. Ce n'est pas forcément résilier votre contrat et partir. Non, d'accord. Voilà. Vous faites ça. Réclamer, faire des réclamations. Voilà. Jean-Denis, vous faites ce qu'on vient de vous dire de faire. C'est important. D'accord. Ok. Y a pas de problème. Merci à vous. Merci à très bientôt. Et puis on ira aussi dans quelques minutes retrouver Stéphane. On va parler un peu d'assurance moto. Hein. C'est important. James Hewitt et Isabelle Pongérard, les experts en assurance sur la première. Yeah. 16h, 18h, le bon tempo avec David. Ils font la Réunion. Ils ont rendez-vous dans le bon tempo sur Réunion Première. Acteurs du monde culturel. Les artistes de la Réunion à l'honneur. Sportifs, associations, jeunes entrepreneurs, réunionnais du monde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer. Le rendez-vous détente de votre après-midi. Le bon tempo avec David, du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur Réunion Première. Première. Un accrochage dans un rond-point, comment se fait le constat? Ça fait sourire les experts en assurance ce matin. Qui est fautif surtout? Et puis est-ce que c'est vrai cette histoire du 50-50? On en parle sur la première. Les questions, les réactions 02 62 99 2000. C'est votre émission de service, surtout service public sur la première. Par SMS pour toutes les questions 06 92 70 2000. Je connais pas si mon vision est différent. Ma nana comme la pression que le monde les méchant. M'y connais pas s'il faut rire ou il faut fuir. Tout le monde croise la nana, toujours elle a faim pour dire. Au bonheur des rances, mais où te malheur y avance à zote. Chaque fois coule la zote, talon y ça va et c'est comme ça. Au bonheur des rances, mais où te malheur y avance à zote. Chaque mot où sort, voulait toujours tort. Aïe aïe aïe aïe, à soi, mis à danser, mis à mettre tout ça de côté. Allez, casse, gasse, allez, qui maloya et arrête la vie, la fait. Mon os, un os, un os, un bar, oui, la. Moi nana comme l'impression que le monde les méchants. M'y connais pas, s'ils font un rire ou il faut fuir. Tout le monde nous croise nana, toujours un affaire pour dire. Pour que s'occuper de la vie des gens d'à côté. Tu rabaisses, tu te laisses, tu t'éventes, tu racontes, j'en ai assez. Pourquoi s'occuper de la vie des gens d'à côté. Chanteuse originaire de Madagascar, Tina, à l'instant avec T'as qu'à danser sur la première. Stéphane est avec nous, Stéphane de Saint-Denis. Bonjour Stéphane. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Alors Stéphane, qu'est-ce qui se passe? Alors je vous appelle pour un renseignement sur un cas assez particulier. J'aurais aimé avoir le point de vue des assureurs. Alors c'est le cas est le suivant. Imaginons qu'une personne est titulaire d'une assurance moto. Stéphane. Oui. Pas de questions pièges pour les experts, hein. Ah, mais pas du tout, mais loin de là, ce genre de pensée. Je pense que justement, au contraire. C'est pas ça, Stéphane, parce que on veut les garder, on veut qu'ils reviennent la prochaine fois. Donc alors attention à ce que vous allez poser comme question, surtout. Non, mais justement. D'accord? Parce que nous, Isabelle Pongera, non, mais on souhaite que Isabelle Pongera revienne ici dans ce studio et James Huette aussi. Alors, voilà. Alors moi, j'ai qu'une chose à dire. Effectivement, nous aussi, on veut qu'ils puissent venir. Malheureusement, on n'a plus accès à la vidéo en ligne sur Réunion Première sur le site. Oh. On oui, peut même c'est pas dommage. Voir justement les personnes à qui on a affaire au téléphone, c'est quand même dommage. Bon, écoutez, je vais aller voir la technique après. Super. Je reviens à ma question. Alors, dans le cas suivant, où un titulaire d'une assurance moto déclare en deuxième conducteur une tierce personne. Ce titulaire de contrat ne paie pas ses échéances et donc se retrouve radié. En cas d'accident, quel risque aura, lui, le conducteur, sachant qu'il n'était pas au courant du fait que le véhicule était non assuré, quoi. Quelle question importante. Quelle très bonne question, surtout. C'est ça. C'est Stéphane, vous êtes bon, hein. Le vendredi, on essaye. C'est le vendredi, c'est le rougail morue qui fait ça. Exactement. C'est le rougail morue dans une heure, ouais. Exactement. Bah dis donc. James Huette, Isabelle Pongera, pour répondre à cette première question. Alors, déjà, il faut, bonjour monsieur, bonjour. Stéphane, il faut bien distinguer effectivement le conducteur de l'assuré. Exactement. Là, vous mettez en évidence, le conducteur n'est pas le souscripteur du contrat. Oui, mais c'est lui qui risque de causer l'accident, par contre, ouais. À tort ou à raison. Voilà ça. Et si l'assuré n'a pas payé sa prime d'assurance, il ne pourra rien, hein. Donc c'est pour cela que, si j'ai bien compris, c'est que la moto est pilotée par deux personnes, oui. Donc, mais le contrat a été mis au nom de Monsieur X et Monsieur Y à côté, lui ne savait pas, il conduisait la moto, il a eu un accident. Voilà, mais il était déclaré sur le contrat. Oui, je sais, mais ça, encore une fois, on est sur le cœur du problème, c'est que c'est le souscripteur, c'est un contrat, il est nominatif, c'est Monsieur Stéphane, c'est pas Monsieur Stéphane et Monsieur Patrick, vous voyez. Oui. Et donc là, le problème, c'est que la prime n'aurait pas été payée, le contrat est donc résilié. Tout à fait. Et ce que je crains pour le second conducteur, c'est qu'il ne puisse prétendre aucune indemnisation. Je pense que là, il faudrait revoir la compagnie d'assurance, en plus revoir l'assuré surtout. Je ne sais pas si c'est un proche. Oui, mais en imaginant justement qu'on ne puisse plus avoir accès à l'assuré, mais en cas de pépin, pour le conducteur et pour le tiers, comment ça va se passer? Qui va être indemnisé? Là, dans ces cas-là, est-ce que ça part au pénal ou pas ou quoi? Parce que s'il y a un dégât grave, voire un accident qui par la suite aura des séquelles à vie, comment ça se passe? Alors est-ce que le titulaire reste responsable malgré tout parce qu'il n'a pas répondu à son obligation de règlement? Ou comment ça se passe? Est-ce que le conducteur lui peut être mis en cause directement? Isabelle Pongérard. Alors pour souscrire un contrat, il y a plusieurs notions. Il y a la notion du titulaire du contrat, donc c'est celui qui souscrit le contrat, c'est celui qui est responsable légalement du contrat et c'est celui qui devra justifier du règlement de la prime. C'est celui qui est averti lorsque le contrat n'est pas régularisé au niveau de la prime. Après, sur le contrat, vous pouvez avoir celui qui paye le contrat. C'est-à-dire que le souscripteur, il souscrit le contrat, il a comme assuré une tierce personne, oui. Et cette tierce personne pourrait très bien avoir les prélèvements effectués sur son compte. Oui, mais malheureusement, soit c'est pas le cas, quand c'est le titulaire du contrat qui, lui, a les prélèvements, mais qui n'assure aucun règlement, et que le conducteur, lui, n'est pas au courant. Surtout là où il se soucie. Pour ça que généralement le souscripteur du contrat doit être le détenteur de la carte grise. Est-ce que c'était le cas? Non, mais c'est le cas. Hein. C'est bien, c'est le titulaire du contrat et titulaire du véhicule aussi. D'accord, donc là je pense que ça doit être suite à un désaccord entre les deux personnes. Même pas. Ah bon? Même pas. C'est simplement que la personne aujourd'hui ne daigne pas prévenir le conducteur que le véhicule n'est plus assuré. Alors, quelle solution dans ces cas-là, James? C'est surtout en cas de pépin. Parce que malheureusement, évitons d'arriver là. Le policier pourrait dire, effectivement, vous n'êtes pas assuré. Mais même lui n'est pas au courant, puisqu'il a le coupon vert qui est daté. Tout conducteur du véhicule doit être en mesure de produire une attestation d'assurance en cas de contrôle. Oui, mais l'attestation n'est qu'un postulat. C'est-à-dire que derrière, si la prime n'est pas payée. Donc, pour moi, le conducteur, le second conducteur, n'a pas à utiliser la moto, sachant qu'il sait qu'au jour d'aujourd'hui, la moto n'est nullement garantie. Non, mais en fait, le cas que je vous présente là, le conducteur est nullement au courant. Pour lui, le véhicule est assuré, parce qu'il n'a pas accès justement au titulaire de la carte grise. Si j'ai bien compris, pourquoi c'est le conducteur B qui utilise plus fréquemment la moto? Serait-il le propriétaire de la moto? Non, du tout. Il est déclaré en tant que conducteur principal. Mais la moto n'est pas à lui. Voilà, alors la solution finale... La solution, c'est une question de pratique, c'est ne pas utiliser la moto. Ça, c'est en théorie, mais en cas de contrôle par les autorités, donc c'est celui qui pilote la moto qui sera verbalisé. Bien évidemment, derrière, en cas d'accident, on ira rechercher qui est le propriétaire de la moto, donc c'est le titulaire de carte grise qui serait à ce moment-là sanctionné. D'accord. Mais là, en l'état actuel, c'est prendre un risque pour ce conducteur. C'est important. Isabelle Pongera. Après, effectivement, quand on est conducteur secondaire sur un contrat, que ce soit moto ou auto, on a accès à la carte verte, qui est une présomption d'assurance et pas une preuve d'assurance, avant de prendre le volant. Il faut prendre sur la carte verte, donc qui est sur la moto ou sur le pare-brise de la voiture, vous avez les références du contrat, vous avez le nom de la compagnie. Oui, donc en fait, il faut se rapprocher de la compagnie. accompagner chaque fois. Voilà, à chaque fois. Surtout si vous n'êtes pas le souscripteur du contrat, pour éviter d'avoir des soucis, pour être un conducteur responsable. Surtout si vous transportez des personnes sur cette moto ou dans votre véhicule, il faut vous renseigner avant de prendre la route si vous n'êtes pas le souscripteur du contrat. D'où ma question, en cas de pépin, est-ce que le conducteur de la moto, lui, et n'importe quoi, il fait un accident et la moto il se casse une jambe, est-ce qu'il sera indemnisé par rapport à ça et soigné ou pas du tout? James Hewett. Non, il ne sera pas indemnisé. La réponse est non, non Stéphane. Il sera pas indemnisé. La réponse est non. C'est ce que je voulais savoir. Le voilà. C'est non. Et puis alors, franchement, voilà. C'est soyez, rouler, soyez... ça équivaut à rouler sans assurance. Voilà, c'est ça. Ça revient à peu près à ça, quoi. Soyez prudent, s'il vous plaît. Je confirme, vous êtes bien des experts. Je crois que c'est les meilleurs. Je vous embrasse. Merci à vous. À très bientôt. Dans deux minutes, l'info de 11h sur la première. Et puis, on ira retrouver Elodie tout à l'heure aussi pour parler de l'assurance sur la première. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. En assurance sur Réunion Première, Isabelle Pangérard, James Huette, nous allons les retrouver juste après l'info, il est 11h sur la première. Jean-Paul Mélade, bonjour. Bonjour, 7 anciens agents de maintenance, des agents de piste, sont au prud'homme contre Air Austral. La compagnie fait appel à une société d'intérim de 2009 à 2012 pour la mise en place de la ligne Sydney-Nouméa et l'arrivée de nouveaux avions. Ils ont été remerciés à la fermeture de cette ligne. L'avocat des salariés dénonce le recours abusif des CDD et demande la requalification des contrats d'intérim en CDI. 3 ans de prison ferme, révocation de 2 sursis de 6 mois, interdiction de gérer une société et interdiction d'exercer la profession de garagiste. C'est la peine que le parquet a requis hier contre Dominique Dejean. L'homme, un ancien garagiste de 50 ans, devait répondre d'abus de confiance, abus de biens sociaux et tromperie. Le garagiste marron a surtout trompé une 30aine de clients, leur faisant croire qu'il changeait le moteur de leur voiture, alors qu'il remontait le même moteur après un nettoyage pour redonner l'aspect du neuf. C'est fini, la Réunion avait les yeux levés en l'air hier. Vous l'avez compris, il s'agit de l'éclipse annulaire du Soleil. Un peu plus de 2 minutes d'observation pour apercevoir la Lune occulter le Soleil. L'observation était maximale dans le sud et moindre ailleurs. Des milliers de Réunionnais s'étaient déplacés pour l'événement, occasionnant 20 km de bouchons sur les routes de l'Ouest lors du retour à la maison. Retour sur ce moment extraordinaire avec le magazine de Loïs Mussard consacré donc à cette éclipse annulaire du soleil du 1er septembre dans les coulisses de l'éclipse à 12h15 sur Réunion Première. La nouvelle présidente du centre de gestion a été élue hier. Il s'agit de Viviane Mallet, adjointe au maire de Saint-Pierre. Le centre de gestion s'occupe de la carrière des employés communaux dans les communes adhérentes. Depuis les municipales de 2014, le centre a vécu des moments mouvementés. Le dernier président, Thierry Vaitilingom, a été poussé vers la sortie et a démissionné en juin dernier. Pas possible de plonger pour les employés de la société Synergie. La houle est présente et forte, donc pas possible de connaître l'état du filet anti-requin du côté de Boucan-Canotte. Les plongeurs espèrent pouvoir se mettre à l'eau demain et essayer de comprendre où ça pêche. Il semblerait qu'une fixation qui relie 2 pans du filet aurait cédé. En sport, handball à La Réunion, troisième journée de D1 masculine. Ce sera suivre GSB Tampon à 21h15, Gymnase des Marsouins et Saint-Gilles qui reçoit Saint-Pierre-au-Guillaume. En basket, le championnat reprend ses droits. Désormais, la régionale 1 devient pré-nationale. Au menu, deux matchs ce soir, Tamponaise Aiglon et BC Saint-Paul contre Sainte-Marie, c'est à 20h. Après la rentrée de Canter hier soir avec Ziska Khan, c'est celle du Théâtre du Grand Marché avec la présentation de la saison avec un apéro participatif à 19h, mais il fallait s'inscrire. La soirée prendra fin avec DJ La Poussière et son Combi Sound System. Fin de cette édition, il est 11h03. Vous retrouvez Claude et ses invités dans quelques instants. Retour de l'info locale à midi, les infos nationales et internationales avec nos confrères de France Info. Après la zone sud en début d'année autour de la zone nord de la jungle de Calais, Bernard Cazeneuve a bien l'intention de poursuivre par étapes son démantèlement. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place dans la journée dans un entretien à la presse locale. Bernard Cazeneuve promet aussi des renforts policiers et de nouvelles places d'hébergement. Près de deux mois après l'attentat du 14 juillet, les victimes de la ville de Nice lancent un appel aux dons. L'association Promenade des Anges estime que certaines familles sont désormais menacées de fracture sociale. Une rencontre est prévu aujourd'hui avec la secrétaire d'État à l'aide aux victimes. D'après le représentant de cette association, invité ce matin de France Info, plus de 200 personnes sont encore hospitalisées. Sur France Info également, le spécialiste de l'Afrique, Michel Galli, à propos du Gabon. Pour lui, les manifestants veulent mettre fin à un régime d'inégalité qui dure depuis 50 ans. Les partisans de Jean Ping dénoncent toujours des violences de la part du clan d'Ali Bongo, reconduit mercredi à la présidence. Il y a eu au moins 1000 interpellations, inquiétudes de Washington, de Paris ou encore des Nations Unies. Nouvelle démonstration de force hier des opposants au Venezuela. Ils revendiquent 1 million de personnes dans les rues de Caracas, la capitale. L'objectif reste le même, pousser vers la sortie le président Maduro, jugé premier responsable de la crise économique. En football, l'équipe de France revient de Bari avec de la confiance, mais surtout une victoire en amical contre l'Italie, 3-1. Prochain match mardi contre la Biélorussie, le premier des éliminatoires pour le Mondial 2018. Un coup d'œil sur la météo. Ce temps qui est clément sur une large moitié ouest et sur les plages du sud. En revanche, le ciel est toujours gris, chargé sur la façade est. En clair, de Saint-Denis à Saint-Joseph, en passant par Takamaka, les hauts de Saint-Paul et de Saint-Leu sont aussi concernés. Et pour l'après-midi, il fera à peu près le même temps que ce matin. Et puis pour demain, samedi, c'est du beau temps dans l'ouest et du gris dans l'est. L'assurance de votre véhicule, on en parle sur la première jusqu'à 11h30 avec les experts. Assurer son véhicule est obligatoire. Tous les véhicules doivent être assurés. L'absence d'assurance est un délit. Les experts vous aident. Ils répondent à toutes les questions au standard de la première au 02 62 99 2000. Sans assurance, c'est la mise en jeu surtout de la vie d'autrui. C'est s'endetter à vie, endetter sa famille également. Isabelle Pongérard, James Huet sont nos experts sur la première. Quel contrat choisir pour sa voiture, sa moto, la différence entre tel ou tel contrat? Et puis alors surtout, on reviendra tout à l'heure sur la résiliation d'un contrat d'assurance, si c'est possible de le faire. Sachant que depuis janvier 2015, il y a la loi Hamon, hein, donc plus d'un an et demi après, on fera un petit peu le bilan avec nos experts en assurance. 02 62 99 2000. James Huet, Isabelle Pangérard, nos experts. Elodie de Saint-Benoît est au téléphone. Bonjour Elodie. Bonjour, je vous appelle pour un contrat d'assurance vie. En fait, c'est pour mon père. Il a contracté un contrat d'assurance vie. Il avait 30 ans. Aujourd'hui, il a 63 ans. Et en fait, en nous rapprochant de notre assurance, pour résilier cette assurance vie, on nous dit que c'est pas possible et qu'il doit aller jusqu'à ses 65 ans. Et que à 65 ans, en fait, dans le contrat, il y avait une petite mention, assez fin, où c'était écrit qu'à 65 ans, s'il n'est pas décédé, la famille ne pourra pas bénéficier de ce capital et que ça allait être perdu. S'il n'est pas décédé, donc personne ne pourrait bénéficier, c'est ça? Oui, à 65 ans, sauf qu'il a 63 ans, il est en bonne santé. Il a 63 ans, et dans deux ans, il a 65 ans. Voilà, il est en très bonne santé. Ça fait, dans ces cas-là, ça fait 30... Ça fait, alors, il avait quel âge? 30 ans? Il avait la trentaine d'années, je ne sais exactement. Il avait, donc, en clair, 30 ans après. Hein. Voilà, une trentaine d'années. Et votre question, s'il vous plaît? Ben, je voulais comment faire pour résilier le contrat d'assurance. Et... Moi, je trouvais bête aussi que si à 65 ans, il n'était pas décédé, la famille ne pouvait pas bénéficier de ce capital qu'il s'était constitué, quoi. Comment résilier le contrat? Voilà, comment résilier le contrat? Comment résilier le contrat? Et ne pas perdre cette somme, en fait, ce capital... D'accord. Alors, on est bien. Alors, c'est parce que ça, on en parlait tout à l'heure avant que vous ne soyez en direct, parce qu'on savait que vous alliez parler de l'assurance vie. Je regardais James Huet et Isabelle Pangéra, nos experts en assurance. Est-ce qu'on parle vraiment de l'assurance vie, James Huet? Dans le discours que je viens d'entendre là, pour moi, j'entends plutôt garantie décès invalidité. Donc, on est sur la prévoyance. Ce n'est pas un contrat d'assurance vie. Oui, parce que il faut bien clarifier. Hein, l'assurance vie, c'est tout ce qui concerne de la capitalisation. C'est de l'épargne, finalement. C'est de l'épargne. Et donc là, ça concerne le... Le risque, c'est un contrat d'essai-invalidité. D'essai-invalidité. Voilà, et qui dit que le contrat apparemment a été souscrit il y a une trentaine d'années par monsieur. Et le contrat apparemment arriverait au terme à 65 ans. Oui, c'est ça. La question, c'est est-ce que je peux résilier le contrat? La réponse est oui. À tout, chaque année à la reconduction, vous disposez de cette possibilité, cette faculté de résilier le contrat. Suffit tout simplement de récupérer l'avenant de reconduction chaque année et de vous positionner un ou deux mois avant la date de reconduction. Attendez, parce que là, on lui a dit le contraire, là, à Elodie, non? On est sur une garantie prévoyance et la résiliation est possible chaque année à la date de reconduction. C'est possible chaque année. Elle peut le résilier chaque année, mais si son père a 63 ans et que fin est à 65 ans, c'est pour ça qu'on dit chaque assureur évalue les besoins de son assuré. D'accord. Là, c'est une assurance en cas de décès. C'est-à-dire qu'il a 63 ans, il n'est pas arrivé à 65 ans, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ça ne sert à rien de le résilier. Oui. Aujourd'hui, peut-être effectivement, on a des problèmes parce qu'on se dit qu'il faut verser assez à fond perdu. D'accord. Mais cette personne peut très bien avoir, ce que je ne souhaite pas bien sûr, avoir un souci et avoir un problème et décéder avant ses 65 ans. Deux années près, autant continuer. D'accord. Autant continuer. Et après 65 ans. Après, effectivement, s'il est toujours en vie, c'est un contrat, comme on appelle, à fond perdu. C'est-à-dire qu'on l'a en cas de décès. Si la personne n'est pas décédée à 65 ans, le contrat s'arrête. Et du coup, le capital, il est perdu. Mais c'est dommage parce que... Capital est perdu. Attendez, ça c'est aussi, c'est très important. James Huet, le capital est perdu ou pas? Alors, on ne parle pas de capital. On ne parle pas de capital. Il faut bien distinguer la capitalisation. Là, on est sur on couvre les risques d'essai, d'invalidité. Donc, c'est bien de se dire que ces risques-là risquent de ne plus être garantis au-delà de 65 ans. Je pense qu'il serait intéressant, madame, de vous rapprocher également de l'assureur parce qu'on est aujourd'hui en mesure de proposer à votre père... Quand même, on a dû verser... Non, mais c'est quand même Dommage. Élodie, voilà. Élodie, c'est très important ce que les experts sont en train de oui. répondre comme ça aux auditeurs de la première, James Hewitt et Isabelle Pongérard. C'est ça, il faut être vigilant quand on souscrit un contrat d'assurance ou c'est réellement de l'assurance vie. Et là, voilà. au terme du contrat, on a un capital, si on est toujours voilà. en vie, c'est ce qui signifie le mot, et une assurance décès, ce qui fonctionne en cas de décès. D'accord. D'accord, Élodie. Ok. Bah oui. Je vous sens un peu déçu là. Ben oui. Après, effectivement, vu comme ça, on peut être déçu, mais il n'a que 63 ans. D'accord. C'est jusqu'à 65 ans. Je ne souhaite pas qu'il arrive quoi que ce soit, mais il faut vraiment... Vous pouvez résilier, mais ce serait bête de le résilier. S'il arrive quoi que ce soit, il n'y aura plus de garantie. Pourquoi avoir cotisé autant d'années pour, à deux ans près, perdre sa cotisation ? Oui, mais aussi, pourquoi continuer de cotiser si c'est perdu après 65 ans. Oui. Parce que vous assurez un accident, ouais. un décès. C'est-à-dire que vous, c'est comme si, vous, pour n'importe quel contrat, on va prendre un contrat dans l'absolu, pour n'importe quel contrat, quand vous assurez un événement précis, voilà, comme pour une voiture, comme pour une habitation, vous assurez les cyclones, etc. C'est un événement précis. Là, vous avez assuré son décès, donc vous versez des sous à une compagnie qui vous donnera un capital en cas de décès. Décès. C'est-à-dire qu'en fonction de sa profession surtout, par exemple s'il a un métier à risque, s'il est motard, s'il est... c'est des gens qui sont souvent exposés à plus de risques, qu'un particulier oui. Qui reste chez lui et qui ne fait pas de choses dangereuses, on va dire. Voilà, c'est déterminé en fonction de ses besoins. Donc, si maintenant il a la retraite, effectivement, vous allez dire qu'il n'y a pas de risque, mais entre 63 et 65 ans, on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà, Élodie. D'accord. Vous êtes okay. où là ? Vous êtes où ? Parce qu'il y a beaucoup de bruit derrière. Je suis dans un magasin en fait. Voilà. Bon, merci, bonne course. Ben, merci. À bientôt. Merci. Il vous reste très peu de temps pour joindre Mathias au standard de la première au 02 62 99 2000. Nous irons dans 30 secondes accueillir au téléphone Odile pour parler du contrat pour jeunes conducteurs. Les experts en assurance, James Huette, Isabelle Pongérard. Première. 19h-20h, Claudio dans la case. Petit message, un coucou, vous avez écouté un bon petit morceau, un seul numéro. Je passe un petit message, mon chéri, qui me fait de gros bisous. On a des cadeaux à gagner. Deux gaillards, roule, c'est galé. Vous avez le cinéma ce week-end. Claudio, ma Claudio. Claudio dans la case, du lundi au vendredi, de 19h à 20h, sur Réunion Première. Première. Première. Odile est au téléphone sur la première. Bonjour Odile. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin Odile ? Oh, ça va très bien. Vous on a étiez un où peu de soleil, oui. donc sur Langevin, Saint-Joseph. Vous étiez où hier à 14h08 à peu près ? Ah, hier on était à Saint-Louis. Le meilleur endroit, hein, je crois. Je pense, oui. On a vraiment vu quelque chose de merveilleux. On ne verra jamais dans notre vie, évidemment. Enfin, qu'une fois dans notre vie. Oh, vous parlez voilà. pour vous, là. Moi, je reverrai hein, dans 150 ans. Alors, attendez. Dans 150 ans, il n'y a pas de souci. Bon, Odile, si on parlait de choses sérieuses, s'il vous plaît. Voilà, tout à fait. Ah oui, alors là, votre question, ça va vraiment concerner les experts en assurance. Voilà, donc c'est pour un jeune conducteur. Alors, donc en ce moment, il est assuré sous le contrat avec sa maman. Et là, il va faire l'acquisition d'une voiture. Et j'aimerais savoir le contrat le plus intéressant pour lui, sachant qu'il n'a qu'un an et demi de permis. Oui. Et je pense que c'est au bout de deux ans donc le contrat est plus intéressant. Enfin, j'aimerais avoir des informations. Alors j'ai eu à un moment donné une petite crainte parce que je croyais que vous alliez demander quelle voiture il faudrait qu'il achète, une française, une japonaise, une allemande, etc. Ce n'est pas le cas, heureusement. Non, bon, non. Allez, James Huette, Isabelle Pongérard. Pour conseiller Odile, s'il vous plaît. Déjà, si on ne cite pas la marque de voiture, c'est vrai que quel modèle de voiture, en tout cas, quelle puissance déjà. Quelle pour, puissance, voilà. ouais. Donc, évitez, madame, de lui acheter une voiture dont la puissance dépasserait les 110 chevaux. Donc ça, oui. voilà. Donc vous allez voir le garagiste, il vous dira. Hein, si donc ça éviterait effectivement de se faire un refus de la part oui. de l'assureur. C'est vrai que les deux ans est important, c'est-à-dire que la majoration dite novice, très souvent, nous l'appliquons sur deux années. Voilà. Là, j'ai entendu un an et demi. Oui. Donc, ce qui veut dire que s'il souscrit le contrat aujourd'hui, on considère qu'il a un an, il est au coefficient 0,95. Voilà. Donc, 0,95. 0,95, voilà. Donc, il va repartir encore pour un an avec ce coefficient. Et c'est vrai que si on attend 6 mois, il passerait à 0,90 sans accident, bien sûr. Oui, bien donc, sûr. Donc, peut-être. Alors, le conseil que je donnerais, moi, écoutez, on attend encore 6 mois. Et puis voilà, il pourra à ce moment-là s'offrir sa voiture vu qu'il aura 2 années d'assurance sans accident. Et donc là, il aura plus de choix déjà de trouver un assureur et aussi de choisir sa voiture. Ah oui, d'accord. Isabelle Pongera. Alors Isabelle, pour les jeunes conducteurs, effectivement, on peut choisir son véhicule, mais pour avoir une garantie d'avoir un tarif un peu moins élevé, il faut prendre un petit véhicule, parce qu'en fonction des véhicules, la tarification peut être plus ou moins importante. Après, pour une maman qui assure son jeune garçon, je pense, ça doit être ça, son fils. Ma fille, donc notre enfant est celui qu'on a de plus précieux au monde. Oui. Donc on prend un véhicule pas trop puissant parce qu'il est jeune. Il ne maîtrise peut-être pas encore l'accélération et quand on accélère après un feu ou autre, on peut avoir un défaut de maîtrise du véhicule. Donc vraiment, les jeunes ont tendance à acheter des véhicules pour faire plaisir aux copains, etc., des véhicules performants. Quand on est une maman, il vaut mieux prendre un véhicule moindre qui fasse son expérience au volant. Avant c'est pas de vrai, prendre j'achète, un véhicule. Pas de voiture pour faire plaisir aux copains, c'est pas vrai. Non, mais on aime les sportives, les garçons aiment bien les sportives. Et voilà. Donc, il vaut mieux. Bon, après, chacun achète le véhicule qu'il veut, mais effectivement, si on veut payer moins cher d'assurance, il faut prendre un véhicule. On va dire, exemple, j'ai pas à donner de marque, mais un petit véhicule. D'accord. Très bien. Après, mais effectivement, pour l'assurer à son nom. Oui. Ça dépend. Là, actuellement, il est le deuxième conducteur sur votre contrat. Sur le contrat de sa maman, oui. D'accord. Je votre suis la fils... mamie, moi. Voilà. Donc, vous n'êtes pas sa maman, c'est ça? Non, parce que d'accord. C'est la même, c'est la mamie qui appelle. Ah, d'accord. C'est la mamie qui téléphone pour des informations. Donc, est-ce que ce jeune travaille ou ne travaille pas? Ben voilà, il commence juste à travailler. D'accord, donc obligatoirement, il faut qu'il ait un contrat d'assurance souscrit à son nom en tant que conducteur habituel et pas en tant que conducteur désigné, parce qu'il sera celui qui va conduire le véhicule le plus souvent. Ça. Voilà, oui. Donc, effectivement, il va peut-être repartir sur un an avec un coefficient à 0,95, mais au moins, il sera couvert s'il a un sinistre au volant. Voilà, bah tout à fait, oui. Parce que donc pour important. Ça, oui, donc même s'il a la majoration, justement pour éviter d'avoir une prime trop importante, peut-être prendre un véhicule moyen et par la suite pouvoir prendre un véhicule plus important, à la limite prendre un véhicule d'occasion avant d'aller sur du neuf. Bien sûr, de toute façon c'est ce qu'il va faire, un véhicule d'occasion, donc voilà, je voulais savoir aussi si les modèles de voitures, par exemple étrangères ou françaises, est-ce que les... On paie moins cher pour les Françaises que pour les étrangères. Oui, James Hewitt. Assurer une marque française, ça reviendrait moins cher que d'assurer une marque allemande ou japonaise. C'est surtout la motorisation, la puissance. C'est ça qu'il faut regarder. C'est le plus important. Voilà. Évitez les grosses berlines. Prenez les petites citadines de 4 chevaux et puis vous verrez que le tarif, en tout cas les quelques premières années de conduite, donc seront nécessaires pour lui et surtout en termes tarifaires. C'est que si vous allez exploser la grille tarifaire, si vous commencez à lorgner sur des grosses berlines. Hein. Alors là, vous parlez pour votre petite-fille. Mon petit-fils. Oui. Votre petit-fils. Mmh. Maintenant, vous avez tous les renseignements avec les experts. Bien sûr. Je crois fait. Que le plus dur, ça va être de convaincre le petit-fils. Le petit-fils. Oui, de rouler en petite voiture. Et voilà. C'est ça. On va lui acheter une 4L. Hein. Voilà. Tranquille. Voilà, on a répondu à toutes les questions, Odile. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre émission. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci au revoir. À vous. Nicolas est avec nous au téléphone. Nicolas de Sainte-Suzanne. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Alors là, vous allez parler de tout à fait autre chose, vous. Oui, j'aurais une petite question. En fait, petite j'ai un question. Projet immobilier. Un projet immobilier, oui. Oui, et l'emprunteur, la banque me demande une assurance pour le prêt. Assurance... capital pour le décès, etc. Oui. C'est obligatoire, ça, James Hewitt et Isabelle Mongérard, cette assurance-là. C'est une obligation. Oui, c'est une obligation, d'accord. Oui, mais comme je voulais savoir s'il y a un lien ou pas, si vous pouvez me répondre, comme avec mon employeur, j'ai une assurance capital décès concernant la prévoyance, est-ce que Est-ce que ça pourrait jouer pour votre projet immobilier, c'est ça? Oui. James Huette. Bonjour Nicolas. Alors il faut quand même se dire une chose, c'est, vous êtes sur un projet immobilier, le donneur d'ordre c'est souvent le banquier. Oui. Le banquier réclame quand même certaines garanties, c'est-à-dire le risque décès, maladie ou accident, le risque ITP, alors ce sont des termes techniques, je ne sais pas, entrer, et le risque d'incapacité temporaire. Ne soyez pas trop technique. C'est une garantie emprunteur. Voilà. Alors, on appelle ça la garantie emprunteur. Votre garantie d'essai que vous avez auprès de votre contrat d'employeur, je suppose que le capital ne couvre d'une part, ne couvre pas la totalité de l'emprunt. Et vous n'êtes couvert uniquement que pour le risque d'essai, et parfois même dans le cadre de votre exercice professionnel. Donc là, la garantie qui sera demandée par le banquier, elle est logique, et puis c'est logique. Couvrir. Là, on est en train de parler d'une couverture d'emprunt pour le décès, et aussi pour la perte de salaire, perte d'emploi. Donc c'est capital. Donc, il faut que vous l'ayez, monsieur, pour cette garantie-là. C'est indispensable pour vous. De toute façon, en cas de refus, le prêt ne sera pas accepté. Ah! C'est ça. Après, vous pouvez le souscrire ou auprès de votre organisme bancaire ou auprès d'un autre assureur. Vous avez le choix. Voilà, vous pouvez choisir, mais il faut, dans votre intérêt, il vaut mieux garantir une garantie emprunteur. Ouais. Donc, il y a aucun lien avec le capital d'essai que j'ai par rapport à ma prévoyance. Et aucun lien, aucun rapport. En parallèle, je prends aussi par rapport au prêt. Exactement. Vous assurance à côté. Voilà, vous devez souscrire la garantie emprunteur dédiée à l'emprunt, hein, monsieur. Ok, pas de souci. Non, j'ai. C'est bon, vous avez répondu à ma question. C'est le principal, voilà, donc rapprochez-vous de votre compagnie d'assurance, c'est ça? Oui, la compagnie d'assurance. Votre compagnie d'assurance. Sinon, ouais. Pas de problème avec la voiture, la moto, au cas où, si vous en avez une, non? Non, ouais. pas de problème. Bon. Très bien. À très bientôt. Merci Nicolas. Allez, dans 3 minutes, on fait un petit résumé de tout ce qui s'est dit ce matin sur le contrat d'assurance. Et puis, on reviendra sur la loi Hamon, s'il vous plaît. C'est juste après Soprano. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sana, boycotter le décollage de la 310 de la Yémenia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, pousser Malcolm de la scène avant qu'une balle l'atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances mais pour vider la soute de l'avion d'Alia. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, j'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa. Puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père avant sa mort. Puis un petit tour au Paris-Dakar en pleine savane pour boycotter l'hélico de Daniel Balavoine. Moi qui aime les vérités de ceux qui portent un nez rouge, j'aurais été crever les pneus de la moto à Coluche. J'aurais été accueillir Mahomet à Médine, puis aller voir la mer rouge, laisser passer Moïse. J'aurais été à la naissance du fils à Marie, 2 heures après faire la marche, tu sais, avec Gandhi. J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks, puis à Woodstock, pour vivre un live de Jimi Hendrix. J'aurais été à l'anniversaire de la Motown, pour aller voir Michael nous faire le moonwalk. J'aurais été à New York, pour déclencher à 7h, une alerte à la bombe dans les 2 tours. J'aurais été en Irak, apprendre aux journalistes à mieux viser avec leurs chaussures. J'aurais été en Afghanistan, jeter les caméras de la dernière interview du commandant Massoud. J'aurais été en Angola pour aller dire à l'équipe d'Adebayor de ne pas prendre la route. J'aurais été à Clichy-sous-Bois, débrancher le transport de DR avant que Zia et Puna arrivent. J'aurais été chez Kunta Kinte ou sur Corée pour leur donner des fusils avant que les colons arrivent. J'aurais été voir les tirailleurs africains pour leur dire qu'on traite leurs enfants de sales immigrés. J'aurais été en Autriche cache. J'aurais tout fait pour que les parrains d'Adolf Hitler ne se rendent compte jamais. Même si j'avais eu le pouvoir de Nakamura, qu'aurais-je fait pour Haïti, le tsunami ou Katrina? Qu'aurais-je fait pour l'Alaska? Tout ce que la nature nous a donné, la nature nous reprendra. Tellement de choses que j'aurais voulu changer ou voulu vivre, tellement de choses que j'aurais voulu effacer ou revivre. Mais tout cela est impossible, ami. Donc j'aspire un grand coup et je souffle sur ma 30e bougie. Yeah. Yeah. Soprano sur la première. James Huet, Isabelle Pongérard, les experts en assurance. Alors très rapidement André, parce que vous avez appelé nos experts sur la fin, on va aller très très vite. Bonjour André. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes de Saint-Paul. Oui, oui. Alors très très vite, allez-y. Concernant, alors, est-ce qu'il est possible que m'allait assurer mon véhicule chez un assureur et que parce que m'allait écraser un petit peu ma voiture, m'allait changer la portière. Après, elle a eu un petit incident avec la pare-brise. Ça fait deux. Ça, oui, c'est un camion qui que la dans son camion. Alors un galet la tombe dessus. Ouais. M'est en train de rouler. Et après? Une note, c'est pareil. La ça même fait chose trois avec sinistres. Ouais. Et après un beau jour, il appelle à moi, il dit à moi comme voilà. Ça. Il faut que tu veux plus assurer à moi. Vous êtes radié de la compagnie d'assurance. Voilà. Voilà, mais alors l'explication, vous l'avez donnée, c'est certain, pour certaines compagnies, au bout de oui. Deux, trois sinistres, c'est voilà, c'est ça. Hein. James Hewitt. Là, on est sur la fréquence d'accident, surtout sur un laps de temps, c'est-à-dire au cours des 24 derniers mois, si vous avez déclaré trois sinistres, parfois des non-accidents, parce que dans votre cas, il y a un accident et deux non-accidents, c'est des bris de glace. Oui, voilà. La compagnie, malheureusement, est en droit respectant le préavis de dénonciation, de résilier vos garanties. Et oui, c'est comme ça, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité de faire jouer la concurrence. Donc oui, c'est un droit qui est donné aux compagnies d'assurance. C'est un droit qui est donné aux compagnies d'assurance, André. Comme il savait avoir un autre assureur, lui dit à moi comme ça, qu'il ne veut pas assurer ma brise-glace. Bon, parce oui. que là, il arrive des mêmes soucis avec mon premier assureur. Donc il ne veut pas, il veut juste assurer la voiture touriste et tout. Donc en clair, vous êtes en train de galérer pour trouver une autre compagnie d'assurance. Voilà, une autre compagnie. Ouais. Isabelle Pongérard. Il y a la possibilité de retrouver un assureur qui vous prenne. Il faut aller pour éviter, comme vous ne savez pas vers quelle compagnie vous dirigez, vous pouvez aller vers des courtiers d'assurance. Oui. Et eux, en fonction de votre profil, vont vous diriger vers une compagnie qui effectivement prend les souscripteurs de avec votre profil, c'est-à-dire une fréquence sinistre élevée. Ah, d'accord. D'accord. Et après, contre, vous avez juste... Comme... Juste, oui, je voulais vous dire, madame. Je ne sais pas si vous avez plusieurs contrats auprès de votre compagnie actuelle. Plusieurs. Voilà, si vous en avez plusieurs, vous pouvez repartir voir votre conseiller et discuter avec lui pour voir s'il n'y a pas possibilité, peut-être, au lieu de résilier votre contrat, de majorer votre prime. Mais il faut vraiment que vous ayez un environnement commercial intéressant pour l'entreprise. Bien pour sûr. L'entreprise, pardon, pour l'assureur. Bien sûr. Surtout d'accord. Ça, c'est important. Voilà. Oui. Moi, j'ai la possibilité de partir avec toutes mes contrats. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Parce que comme j'ai d'autres véhicules assurés, non, la maison vous et avez tout à fait le droit. Voilà, c'était juste. Ça. Merci André. D'accord, merci. Bon week-end. Au revoir. À bientôt. Alors, depuis l'application de la loi Hamon, donc depuis le 1er janvier 2015, James Hewitt et Isabelle Pongérard, on peut quitter la compagnie d'assurance en cours d'année comme ça. Nous avons la possibilité. Mais à une condition. Alors, la condition, on peut quitter la compagnie d'assurance à condition que le contrat ait plus d'un an d'exercice. Donc, retenez cela. Donc, on peut dénoncer les garanties. Donc, faites jouer la concurrence. Donc, si la compagnie A ne vous donne pas entièrement satisfaction, l'exemple d'André tout à l'heure. Donc, oui. Je vais voir la concurrence et faire appel à des réseaux de quotage également. Isabelle Pongérard, on peut faire jouer la concurrence aussi. Oui, ne on pas peut... s'arrêter sur un tarif qui est donné par la compagnie d'assurance. On peut aller voir une autre. Oui, comparer. On peut très bien aller voir un autre assureur. Par contre, il faut, on va dire, s'assurer que cet assureur en question maîtrise bien notre profil. Le but n'est pas seulement d'avoir moins cher. Le but est d'avoir les garanties. Dont on a besoin. Parce qu'aller moins cher, on peut très bien avoir moins cher si l'assureur en face enlève des garanties. Donc il faut vraiment, quand on n'est pas un spécialiste de l'assurance, il faut vraiment faire attention. Aller vers le moins cher n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. La petite et dernière question, ma voiture a plus de 20 ans, est-ce que ça vaut le coup de continuer à l'assurer tout risque, s'il vous plaît? Soyez sincère dans la réponse. Non. Non. Non. Voilà.

décès de Madame Ayi Ayan Aline, née Shan Yuklin, Madame Ayi Ayan Aline, née Shan Yukin, dite Madame Henri. Décès survenu à l'âge de 83 ans. Le convoi sortira aujourd'hui à 15h30 au centre funéraire sud de la ligne Paradis. La bénédiction aura lieu à 16h en l'église du Bon Pasteur à la Ravine Blanche. L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Madame Almar Marie-Ange Noé Lachoumaya. Madame Almar Marie-Ange, née Lachoumaya, décès survenu hier à l'âge de 92 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 25, chemin Olivier Almar, aux Avirons. Aujourd'hui, la bénédiction aura lieu en l'église des Avirons à 15h, l'inhumation au cimetière des Avirons. Décès de Madame Ténor, née l'enclume Marie-Charline, dite Madame Angelo. Décès de Madame Ténor, née l'enclume Marie-Charline, dite Madame Angelo. Décès survenu à l'âge de 77 ans. Le convoi sortira de la chapelle ardente de Stella à Saint-Leu. Aujourd'hui, la bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Leu à 14h30, l'inhumation au cimetière de Saint-Leu. Décès de Mademoiselle Payette Manuela Marie-Christine, Mademoiselle Payette Manuela Marie-Christine, décès survenu à l'âge de 40 ans. Le convoi sortira du numéro 189 chemin Notre-Dame de la Salette au P417 au Tampon. L'inhumation suivra au cimetière de la rivière Saint-Louis. Et le décès de Madame Gironcelle Marie-Henriette, décès de Madame Gironcelle Marie-Henriette, décès survenu à l'âge de 75 ans, le convoi sortira de la chapelle ardente du Tampon, la date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Réunion première présente aux familles endeuillées, c'est sa condoléance. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. un petit village là-bas la campagne. A côté sur la vie, ça m'est pas si compliqué. Les tiennes à son métier, les vivent sur la vie tranquille. Amélie Finé, y'a un petit coin dans la Réunion. Dans un petit village là-bas la campagne. A côté sur la vie, ça m'est pas si compliqué. L'été dans son métier, vie sur la vie tranquille. Comme on a l'été pour ton gaillard. L'été ça rôde la vie en mer. Mais l'été connaît pas, tu son ville et ancien. Comme on a l'été pour ton gaillard. L'été ça rôde la vie en mer. Mais l'été connaît pas, si son ville et ancien. Ramadan il est fait bien bonnet, il va se vivre au Riané. Il va venir écouter météo, il y a marré pour monter. Bonne nuit, pense au pire au Riané. Il va finir goutte météo qu'il y a marré. Dominique, le meilleur de la musique locale, à l'instant sur la première avec Gramoun, avant, 2 minutes avant le journal de Réunion Première, présenté par Chamboul Mélade, voici Nora Jones. Première et les midi. Le journal Jean-Paul Ménade, bonjour. Bonjour, les titres. Air Austral devant les prud'hommes, des anciens agents remerciés demandent la requalification de leur contrat d'intérim en CDI. Des jeunes de BTS assistants de gestion du lycée des métiers de Saint-Benoît de première et deuxième année font connaissance, ils ont choisi de passer la journée à Aquanord. Reprise de la saison de basket chez nous, il ne faut plus dire Régional 1, mais Pré-National. Le point avec Olivier de la Richaudie sur le championnat. 7 anciens agents de maintenance, des agents de piste si vous voulez, sont au prud'homme contre Air Austral. Leur contrat n'a pas été renouvelé à la fermeture de la ligne Sydney-Nouméa. Ce matin, ils traînaient la compagnie aérienne devant le tribunal Nadine Bachelot. Devant donc les prud'hommes et ses ex-agents manutentionnaires intérimaires d'Air Austral devront attendre encore un peu Jean-Paul. L'affaire a été mise en délibéré. La décision sera rendue le 10 mars prochain. Cette affaire remonte à 2013. Dans le cadre de sa restructuration, la compagnie régionale, qui sous-traitait avec la société d'intérim Profil Océan Indien, a décidé de confier ses activités de manutention à sa filiale Réunion Air Manutention. Du coup, les 24 intérimaires se voyaient proposer un contrat à durée indéterminée dans cette filiale, mais à des conditions financières pas du tout avantageuses. 7 d'entre eux ont rejeté la proposition car ils estimaient que le code du travail n'était pas respecté. Leur avocat a dénoncé ce matin un comportement abusif de l'employeur. Il évoque même une exploitation avérée et volontaire. Il faut savoir que ces intérimaires ont signé jusqu'à 50 contrats successifs, ce qui est contraire à la loi. Maître Jean-Claude Sainte-Claire demande par conséquent la requalification des contrats d'intérim